Jüdisch ist ein Zwilling. Are they truly twins? Sind sie richtig Zwillinge? My mother said, Jüdisch is a Zwilling. In German, ein Zwilling. Jüdisch is a Zwilling. Jüdisch is a German. Le début de cette transmission 1-5-2 d'Audiomatique était marqué par le projet allemand Wombscott, mené par Rudi Ratzinger, et la pièce Yiddish is a Zwilling, tirée de l'album Schreck and Gross, lancé en 2011. Il arrive qu'en se promenant dans des lieux lointains, des artistes se dévoilent à nous sans que nous nous y attendions. C'est ainsi que les électronistes ont découvert l'artiste Emiliana Araya et son projet Kinetica que nous entendons à l'instant. Thank you. Nous venons tout juste d'entendre la collaboration entre le projet belge Tony Modi et la chanteuse néo-zélandaise Kerensa Stephens. Collaboration qui se matérialise sur le mini-album Tangled, duquel nous avons entendu la pièce Escape. Avant ça, vous aurez probablement reconnu la voix de Thom Yorke, le chanteur de la formation Radiohead. Il nous livrait sa pièce « And It Rained All Night » tirée de son premier album solo « The Eraser » paru en 2006. Et c'est sur la musique du projet chilien Kinetica que s'ouvrait la séquence musicale. De son album « Dos », nous entendions la pièce « 1620 ». c'est au tour du projet Gazelle Twin d'assurer la continuité à Audiomatique. Projet américain Boom Bip. On entendait à Audiomatique la chanson Do As I Do, à laquelle la chanteuse écossaise Kate Lebon participe. On retrouve cette pièce sur l'album Zigzag avec un J. Précédemment à Boom Bip, il s'agissait du groupe canadien Ivarden Sphere qui nous présentait la pièce Chasing the Dragon, remixée ici par Coma Duster. Cette version est tirée de l'album I Dream in Noise Remixes Volume 2, tandis que la pièce originale est parue sur l'album Epoch. Et en amorce de séquence, nous avions droit à Gazelle Twin, incarnée par l'artiste britannique Elizabeth Walling, qui nous interprétait la chanson Concrete Mother de son premier album The Entire City. C'est sur une nouvelle pièce de la formation slovaque Layback que se poursuit la transmission 152 d'Audiomatique. Thank you. of guys. Nous venons tout juste d'entendre le projet Huron et sa pièce Blank Cities, qui se retrouve sur son tout nouvel album intitulé Inside Information. Et auparavant, c'était la formation Layback et la pièce Allsgeist, tirée du tout nouvel album qui se nomme Also Sprach Zarathustra. La musique qu'on retrouve sur cet album fut à l'origine créée pour la pièce de théâtre Also Sprach Zarathustra, et qui est en fait une adaptation du roman philosophique de Friedrich Nietzsche, dont le titre français est Ainsi parle Zarathustra. L'album ne se présente pas comme la trame sonore de l'œuvre théâtrale, mais plutôt comme une adaptation de la musique que Laybach a créée pour cette pièce dirigée par Majaz Berger au théâtre Anton Podvevzek. Comme nous devons clore cette transmission 1-5-2 d'Audiomatique, nous avons décidé de le faire en vous offrant le projet américain Mexicans with Guns, qui est le pseudonyme musical d'Ernest Gonzalez. Nous entendrons la chanson Restart avec comme chanteuse invitée Sacha Pereira du groupe Jacuzzi. Nous vous invitons à la transmission 153 d'Audiomatique mercredi prochain dès 17h, et ce en direct des ondes de C'est Fou 89.1 FM. En complément, il vous est évidemment possible d'écouter l'émission en différé grâce aux nombreux liens que nous publions sur nos plateformes comme mixcloud.com/audiomatique et facebook.com/audiomatique-CFOU. Voici Mexicans with Guns et la chanson Restart. C'était Audiomatique avec les électronistes. Watching from the window pane. They give you what you need.